Pierre et l'or, 2 juillet 1981. C'est étrange d'écrire des dates, de faire coïncider l'histoire avec un grand H. Le mariage de Pierre et de l'or eut lieu le 2 juillet 1981, quelques mois après les élections présidentielles qui portèrent au pouvoir François Mitterrand. Mais je doute que les H se soient félicités de cette concomitance. Ils organisèrent des noces d'un autre temps ou d'un autre lieu. Des noces mémorables qui frappèrent les esprits normands, plus habitués à économiser l'argent qu'à le dépenser en une seule journée de gloire et de gaspillage. Pierre devait avoir 25 ans environ, et la jeune mariée avait peut-être 1 ou 2 ans de moins. Une jeune fille d'excellente famille, d'après ce que je pus entendre, dont le père était en affaire avec Monsieur H. Elle avait fait des études poussées, mais ne souhaitait pas exercer de métier et désirait se consacrer à l'éducation de sa future famille nombreuse. Il semblait que mai 68 n'était passé ni sur eux, ni sur leurs parents. Ils étaient catholiques, avaient horreur de la drogue, dînaient avec des officiers de carrière et sortaient d'une école privée. Ils n'étaient pas différents des bourgeois de 1850, ni de 1870, ni de 1910, ni de 1950. L'histoire ruisselle sur la bourgeoisie sans l'altérer, et je serais prêt à parier que des mariages semblables se tiendront encore pendant de nombreuses décennies. Je reçus une invitation, sur papier cartonné et velouté, à me rendre au vin d'honneur. Toujours ces questions de protocole. Je ne faisais pas partie des intimes, mais il eût été discourtois de ne m'inviter qu'à l'église, où d'ailleurs il n'était pas sûr que je me rendrais. Ne devais-je pas être païen ou communiste? Bref, le vin d'honneur était fait pour les gens comme moi, des connaissances, des relations sociales et non affectives, des membres du conseil municipal, des professeurs à la retraite, en étaient les invités habituels. À peu de frais, mais avec magnificence, on les honorait de cette marque de sympathie pour mieux les éblouir, leur faire sentir leur infériorité ou simplement les obliger. Je me retrouvais donc assez amusé à une réception de pure parade parmi des gens endimanchés qui voulaient faire bonne impression sur les haches et qui s'émerveillaient bruyamment des arrangements floraux, de la robe de l'or et de l'excellence du champagne. Je restais assez silencieux car je n'étais venu que mu par une curiosité irrépressible. J'en ai presque honte aujourd'hui, et pourtant il me faut l'admettre, je n'aurais manqué cette occasion pour rien au monde. J'emmenais bien sûr ma femme et mes enfants, qui jouèrent poliment leur rôle. Nous étions certainement les plus élégants personnages de l'assemblée, car chez moi on ne badine pas avec l'élégance nuptiale, et se présenter à un mariage dans un vêtement ordinaire est un affront. J'avoue que ce rôle du nègre élégant m'amusait. Je me délectais de la curiosité déplacée et des murmures, cela plut nettement moins à ma femme, qui me fit une scène de ménage en rentrant, après avoir souri avec une perfection d'automate pendant plus de 3 heures, et qui me reprocha d'infliger à nos enfants une situation aussi embarrassante. Laure était une de ces jeunes filles étiolées dont Zola lui dit qu'elle avait le sang gâté, et que d'autres qualifieraient de fin de race. Sa mère la décrivait comme blonde, grande et svelte, mais ces termes qui évoquent une sorte de déesse antique lui convenaient moins que tout autre. Grande elle était par la taille, haute, comme on dit chez moi, mais elle était habituellement voûtée comme une plante montée en graines, comme si la première chose qu'elle eut du mal à supporter était précisément son propre corps, continuellement là, continuellement lent. Sa sveltesse était avare. Les formes de la femme ne verraient jamais le jour en elle. Elle n'était pas mince par vigueur et par santé, mais par manque d'appétit, et on voyait, ou peut-être est-ce moi qui projette dans le passé ce que je sais du jour présent, que ses seins honteux ne donneraient pas de lait. Blonde, elle ne l'était pas, si dans le mot blonde on enferme tout l'éclat et toute la lumière d'une chevelure qui joue avec le soleil. Ses cheveux étaient si ternes qu'ils paraissaient gris, et rares, et plats, et leur finesse sans force s'apercevait même quand, comme ce jour-là, ils étaient savamment coiffés. Laure était une mariée lamentable, gauche, sans entrain, dont la robe coûteuse tombait mal sur le corps dégingandé. Elle se prêtait à tous les rituels avec une sorte de patience, et même peut-être de satisfaction, mais elle gardait aux lèvres une moue anxieuse et légèrement dégoûtée. Elle ne buvait pas d'alcool, elle n'avait pas faim, elle s'inquiétait pour l'arrangement de la table. Elle se força à ouvrir le bal à contre-cœur et à contre-temps. Pierre, quant à lui, ressemblait toujours au petit garçon grave et silencieux que j'avais rencontré 17 ans plus tôt. Il avait une certaine prestance, sans être beau, se tenait toujours très droit, avait le geste sûr, et on devinait en lui l'homme sur qui son épouse pourrait s'appuyer. Mais ses lèvres étaient comme scellées, et ne s'ouvraient étonnamment que mues par la nécessité. Ces personnes désertées par le verbe sont rares. On trouve toujours un sujet pour faire bavarder les gens, même les moins instruits, même les plus farouches. Mais lui ne paraissait prendre aucun plaisir à parler. Il agissait en toutes circonstances de manière à éviter cette peine. Il était toujours parfait, un gentleman prévenant, un fils attentif, un marié consciencieux. Cette tactique, commune surtout dans le milieu professionnel, est très efficace. Être parfait dispense des critiques et donc de la discussion. Être parfait ne donne pas de prise aux autres. Être parfait donne un masque impénétrable. Et les gens parfaits sont sans doute de tous les plus solitaires et les moins sociables. Pierre n'était pas souriant non plus et n'invitait jamais à communiquer avec lui. On avait toujours quelque peu l'impression de le déranger et je n'échangeais que quelques brèves paroles de félicitations avec lui. Il en fut de même pour Laure, à qui je fus présenté et qui fit un effort manifeste pour me serrer la main d'un air naturel. Audrey, en revanche, était dans une sorte d'état de grâce. Si je l'avais vue quelques années auparavant, débarquée dans ma clinique avec un visage dévasté, c'était en ce jour une aube qui se levait en elle, une lumière intérieure qui illuminait sa peau, ses traits, ses mouvements, et qui la rendait belle. Elle était demoiselle d'honneur, et son amie Hélène également. Elles allaient, inséparables, par les allées du parc et entre les groupes de convives, les joues légèrement rosies par le champagne, des rires perlant de leurs bouches, des pas de danse perlant de leurs pieds. Cette révolution me paraissait extraordinaire, et je prenais un plaisir double à la regarder évoluer. Tout d'abord, j'étais séduit, comme tout être humain normalement constitué, par le spectacle d'une jeunesse en fleurs, riante comme un paysage ensoleillé. Puis, en tant que médecin, j'étais à la fois fier de ce rétablissement et interpellé par sa radicalité. Je ne pouvais m'empêcher, au fond de moi, d'essayer de décrypter ce qui pouvait être le symptôme d'un trouble de l'humeur ou de la personnalité. Audrey fut la seule personne chaleureuse avec moi. Elle me présenta Hélène et me demanda si je ne trouvais pas qu'elle ressemblait à mon icône. Hélène fut très souriante. Probablement me connaissait-elle déjà, par ouï dire, aussi bien qu'Audrey elle-même, car il était évident que ces deux-là n'avaient aucun secret l'une pour l'autre. Monsieur H., un peu vieilli mais toujours séduisant, voulut me faire les honneurs de la maison et m'entraîna à l'écart pour visiter les derniers aménagements. Je profitai de ce moment d'intimité qu'il avait souhaité créer pour engager la conversation. Ainsi, cette jeune fille, Hélène, a fini par se faire accepter. « Nous avons suivi vos conseils, docteur, et comme vous pouvez le voir, Audrey se porte à merveille. » Je hochai la tête. « C'est une grande joie pour moi de la voir dans cet état, » répondis-je avec courtoisie. « Et votre épouse ?»« Elle a été très occupée par le mariage, » dit-il en souriant d'un air convenu. « Elle a besoin de s'étourdir d'occupation. Voyez-vous, je pense qu'il est dommage qu'une femme comme elle n'ait pas eu l'occasion d'exercer ses talents dans un véritable travail. » « En effet, » dis-je, « certaines femmes ne sont pas faites pour être des femmes d'intérieur, et notre société les étouffe. » Monsieur H. sourit. « Vous êtes un homme de valeur, » me dit-il soudain, avec une maladroite sincérité. Je le remercie en souriant et un silence suivit cette effusion fugitive. Il m'emmenait vers la partie du jardin qui se trouvait derrière la maison, et je fus saisi par ce que j'y découvris. Les H. avaient sacrifié une partie de leur admirable gazon pour creuser un trou immense. Une gigantesque cuve en béton dont je ne perçus pas d'abord l'utilité étalait là sa béance. Je ne m'explique pas bien d'ailleurs la stupeur que je manifestais et qui me rendit assez stupide, de fait, pour ne pas comprendre qu'il s'agissait d'une piscine. « Notre future piscine !» triompha Monsieur H. « À l'origine, elle devait être prête pour le mariage et mon épouse a été passablement contrariée par le retard des travaux. Mais enfin, ce n'est pas le plus important, n'est-ce pas ?» Je me sentais étranglé et ne pus articuler un mot. « Ça ne va pas ?» demanda M. H., conscient de mon malaise. « Excusez-moi, » dis-je, « je ne sais pas ce qui me prend. » Il s'agissait de la piscine, de ce trou obscur creusé dans la terre comme un vaste tombeau, comme un charnier, juste à l'arrière de la maison, de l'autre côté de la fête. Je revoyais le petit corps noyé de Jessica, sa petite robe en vichy détrempée et pleine d'algues, son petit visage de fillette de 2 ans asphyxié par la mort. Je voyais la mort rôder autour de nous, la mort avide qui dansait sa danse macabre devant Madame H, et qu'ils avaient invoqué, réveillé, appelé au fond de cette nuit de terre et d'eau. Une piscine ? Balbutiai-je. Excusez-moi, je ne me sens pas très bien. Vous avez peur d'un accident ? Demanda-t-il d'un air très grave. Excusez-moi, c'est totalement irrationnel, m'excusai-je. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est sans doute le champagne auquel je ne suis pas habitué. Ça n'a rien à voir avec la piscine, repris-je. C'est une magnifique construction, me forçai-je à ajouter. Quelle superficie ! Monsieur H avait perçu dans mon malaise la raison profonde. Il avait vu blêmir ma face noire. Il savait que j'avais vu la mort, mais il se raccrocha à ce que je lui tendais. 9 mètres sur 5, dit-il avec une fierté feinte. Et nous mettrons bien sûr les meilleurs systèmes de sécurité. Bien sûr. Le malaise était passé, et la construction m'apparaissait maintenant plus normale, plus prosaïque. Nous nous en retournâmes plus calmement, en échangeant quelques banalités sur les problèmes du bâtiment. Mais je n'exagère pas après coup, comme on pourrait le croire, cette défaillance qui me prit ce soir-là. Je ne savais pas qu'Audrey mourrait dans cette piscine. Je ne pouvais pas le savoir, ni elle non plus. Peut-être était-ce simplement la monstruosité de ce projet, dans une famille où une enfance était noyée. Peut-être était-ce la prescience d'une fatalité psychologique, d'un enchaînement tragique qui avait déjà commencé et dont la fin pouvait, comme dans les grands mythes, se deviner dès le début, au cœur même du bonheur. Lorsque je rejoignis la réception, mon attention se fixa involontairement sur Madame H. C'était un grand jour pour elle, son grand jour, et non celui de son fils et encore moins de sa belle-fille. Elle était vêtue de soie naturelle rouge sang et tranchait par sa beauté toujours mobile, bien qu'un peu fanée, sur la pâleur terne de la mariée. Elle donnait les ordres, elle accueillait les invités, elle trouvait un compliment pour tout le monde, elle goûtait les plats, et se trouvait partout, omniprésente et insaisissable, laissant dans son sillage un parfum entêtant de femme. Je la surpris plusieurs fois en train de regarder la mariée, avec une exaspération mal contenue. Que pouvait-elle penser d'une jeune femme aussi fragile ? Son mépris se teintait-il de bienveillance pour une personne qu'elle soumettrait sans peine et qui ne lui porterait pas d'ombre ? Se posait-elle des questions sur sa capacité à rendre son fils heureux, ou plus exactement, à le combler de toutes les apparences extérieures du bonheur qu'elle souhaitait pour lui. De beaux enfants robustes, un intérieur soigné, du goût pour la toilette. Une inquiétude voilait son regard perçant et aquilin, et je dus reconnaître à part moi que je partageais cette inquiétude. Madame H avait jugé la jeune fille d'une manière cruelle, mais non dépourvue de justesse, et elle était probablement plus pénétrante en matière de psychologie que nombre de personnes présentes autour d'elle. Je l'entendis murmurer à l'attention d'Audrey. Cette pauvre Laure ne ressemble à rien. Regarde-moi cet air godiche. Et toi, arrête de te faire remarquer, s'il te plaît. Ce n'est pas ton mariage, il me semble, ma fille, et il n'est pas très convenable d'attirer tous les regards comme tu le fais. Ces remarques cinglantes firent sourire Hélène, qui tenait le bras de son amie. Madame H, en toute occasion, affectait de ne pas la voir, et se comportait avec Audrey tout à fait comme si Hélène eût été une amie imaginaire. On la tolérait, par un effet de ma prescription médicale, comme on tolère de prendre un médicament amer, mais l'hostilité entre les deux femmes était palpable. Audrey, au demeurant, s'échappait déjà. Elle paraissait remarquablement proche de son frère, qui avait pour elle des tendresses qu'il n'avait pour personne. Elle seule semblait capable de percer sa carapace, de façon tactile, physique. Elle lui caressait le visage, le prenait par la main, s'amusait à l'attraper, lui posait les mains sur les yeux pour lui faire deviner sa présence. Il répondait à ses jeux avec bonne grâce, et même avec l'ébauche d'un sourire, parfois, qui éclairait ce visage impassible d'une lueur presque angélique. Il y avait quelque chose d'infiniment émouvant dans cette douce affection fraternelle, quelque chose qui témoignait de leurs longues années d'isolement, de contraintes, de peur, de silence. Quelque chose existait entre eux, qui excluait probablement tout le reste. Je remarquais la relative froideur de Pierre à l'égard de Laure, et je songeais que ce mariage était triste. Triste mariés, sans passion, étriqués dans leurs habits comme dans leurs convenances, qui n'avaient pas envie de danser. Je me retirais sur les instances de ma femme assez tôt, et gardais de cette réception un souvenir un peu dérangeant, comme on garde le souvenir de certains rêves, dont les images étranges et les significations cachées cherchant à apparaître vous hante de nombreuses heures après votre réveil.